En plus de réduire la vitesse de circulation, un embouteillage est une source importante de perte de temps et de pollution atmosphérique. La consommation d'un véhicule peut quasiment doubler et atteindre près de 16 litres au 100 km pour un véhicule de gamme moyenne. En zone urbaine, le volume de polluants rejetés atteint des seuils préoccupants et un accroissement du niveau de pollution constitue un risque réel pour la santé et pour l'environnement. Quand c'est possible, en ville, il faut choisir un autre mode de déplacement. Réponse A et C.